J'ai pas envie de parler, j'suis pas d'humeur, non n'y compte pas. J'ai pas de femme, pas de tape, pas de lové lové. J'ai qu'une envie, hey, c'est de me barrer barrer. Trop de soucis dans la tête, la voix dans mon crâne me répète. Va aussi que tu vas faire ta vie, fais un jour je t'en prie. Yeah. J'en suis fatigué. Moi, je suis pas d'humeur, je veux que mes sons tournent mondialement et fassent du bruit dans leur bunker. L'équipe, elle suit derrière, du bruit pour ma carrière. ALM, mes dealers, sur nos chemins, y'a pas de barrière. L'inconnu se dévisage, même sous ses appels masqués. Le Malta, tant au virage, n'oublie pas le rappel de la mosquée 2013. J'avoue, pas grand chose ne change. Aujourd'hui on chante en attendant ce putain de jour de chance. Courir derrière l'argent, la gloire mais qu'elle viendra. Baise-moi tous ces agents, apparemment ils comprennent pas. On te refourgue la disquette, c'est ta tête qui l'insère. Le rap c'est un business, y'a plus personne qui devient sincère.